2004, Raymond Lecauze publiait « Les médecins nestoriens au Moyen-Âge, les maîtres des Arabes ». Nous avions présenté ce livre à Foi et Tradition de chrétiens orientaux. Voici qu'aujourd'hui, Raymond Lecauze élargit son champ de recherche dans un nouvel ouvrage, « Les chrétiens dans la médecine arabe », publié aux éditions L'Harmattan. Nous espérions accueillir Raymond Lecauze dans notre studio et nous entretenir avec lui. Malheureusement, l'auteur réside loin de Paris et son état de santé ne lui permet pas de longs déplacements. Nous avons donc demandé à Mgr Saïd Elias Saïd, vicaire patriarcal maronite en France, qui, avant d'entrer en religion, a, durant de longues années, étudié puis pratiqué la médecine, de nous livrer ses impressions à l'égard de ces chrétiens dans la médecine arabe. Monseigneur, avant de vous interroger, permettez-moi de citer cette anecdote que Raymond Lecauze rapporte en exergue de son livre. Sommé par le calife Al-Mutawakkil d'expliquer pourquoi il avait préféré la prison à la confection d'un poison, le médecin nestorien Unayn ibn Ishaq a justifié son refus en disant « Deux choses m'ont retenu de préparer le poison mortel, ma religion et ma profession. La première m'enseigne que nous devons faire le bien même à nos ennemis, et à plus forte raison à nos amis. Quant à ma profession, elle a été instituée pour le plus grand bénéfice de l'humanité, dans le but exclusif de guérir et de soulager. » Voici une bien belle anecdote, monseigneur. C'est une anecdote, mais c'est en même temps, je dirais, l'expression d'une conception fondamentale de la mission du médecin. Le médecin reste un homme, et en tant qu'homme, il a ses propres valeurs humaines qui se ressourcent en partie à ses convictions religieuses. Or là, Hunayn ibn Ishaq est un chrétien convaincu, et un chrétien convaincu comme homme d'église, puisqu'il avait son rôle dans l'église nestorienne à plus d'un titre, et surtout parce que il se rendait compte que, à travers la science médicale, à travers le travail de traduction qui était le sien, il assurait à sa communauté vis-à-vis du gouverneur musulman, du calife, il assurait une posture qui allait au-delà de la minorité que ces chrétiens étaient dans l'empire musulman de l'époque. Et c'est pourquoi il ne cachait pas ses convictions religieuses. Et sur le plan simplement du serment d'Hippocrate, lorsqu'on y revient, et que Hunayn ibn Ishaq a traduit lui-même, eh bien, il nous dit qu'on ne doit pas faire, le médecin ne doit jamais faire du mal dans sa pratique de la médecine. Et je me rappelle l'un de mes professeurs de médecine qui nous disait, surtout pour la dermatologie, primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Maintenant, si on arrive à faire du bien, tant mieux. Mais d'abord, ne pas faire du mal. Raymond Lecauze écrit qu'au IVe siècle déjà, donc bien avant l'islam, la médecine était à l'honneur dans au moins deux grands centres chrétiens, Alexandrie et Antioche. C'est tout à fait vrai. Et si vous voulez, à Alexandrie, c'était toute la médecine d'origine grecque, donc du monde byzantin, et qui avait trouvé à Alexandrie à la fois de quoi se constituer en école et pouvoir transmettre cet art. Maintenant, à Antioche, vous savez que il y avait à la fois les trois communautés qui coexistaient ensemble. Il y avait une communauté grecque, il y avait une communauté syriaque, et la communauté juive était encore importante à Antioche. Alors, dans ce cadre-là, si vous voulez, les chrétiens de tradition syriaque, dont fait partie Hunayn ibn Ishaq, que vous avez cité, puisqu'il était lui-même nestorien, donc un syriaque à l'oriental de l'Orient, eh bien, ils avaient commencé à s'occuper de la médecine, et comme le fera au IXe siècle Hunayn ibn Ishaq lui-même, lui, il a traduit les auteurs de la médecine grecque en syriaque, Et puis, il laissait à ses disciples le soin de les traduire du syriaque en arabe. Et ceci, si vous voulez, montre l'importance de cette langue syriaque conservée par que ce soit les Nestoriens, que ce soit les Jacobites, dans la transmission de la science grecque. Parce qu'on verra par la suite, lorsque vous en parlerez, avec l'islam. En fait, ils considéraient cette médecine grecque comme une médecine étrangère, qui n'avait pas droit de citer. Oui. Donc, après Alexandrie et Antioche, la relève a été assurée par Nisib. Donc, la tradition syriaque. Donc, la langue syriaque, dont vous parlez tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, même en haute, en Perse, par une ville qui s'appelle Jundishabur, où il y avait un hôpital. Voyez-vous, d'après ce qui est rapporté, c'est que il y a eu, dans le royaume d'Édesse, pratiquement, il y a eu déjà des séminaires depuis le IVe siècle. Mais comme hôpitaux, il y en a eu aussi. Mais là, peut-être, il faudra parler un peu des Arméniens, dont on n'a pas encore parlé. Alors, ces Arméniens avaient fait construire des hôpitaux dans leur royaume depuis le IVe siècle. Peut-être les premiers hôpitaux de l'histoire, si vous voulez. Donc, il y avait cette tradition qui était branché, comme je l'ai dit, sur la médecine grecque et qui, à travers le syriaque, essayait de brancher ensuite la culture musulmane. Alors, pour la médecine grecque, les grands maîtres étaient Hippocrate et Galien. Oui. Alors, il faut dire que Hippocrate, nous sommes 5e siècle avant Jésus-Christ, Galien, nous sommes 1er siècle après Jésus-Christ. Mais ce sont les seuls auteurs, si vous voulez. Galien n'est que le commentateur d'Hippocrate, en gros. Donc, Hunayn ibn Ishaq, dans sa traduction du serment d'Hippocrate, reprend le texte d'Hippocrate lui-même, mais aussi dans ses aphorismes, il reprend Galien surtout. Donc, on se basait sur ces deux grands médecins de l'Antiquité, et ça a été le cas jusqu'à la fin du Moyen-Âge en Europe, grâce aux Arabes, et surtout grâce aux traducteurs chrétiens parmi ces gens de langue arabe. Alors, il y avait donc Hippocrate et Galien, mais il y avait aussi des médecins, des savants contemporains, enfin, disons, entre le 4e, 5e, par exemple, Oribase. Oui. Rédige une encyclopédie médicale en 70 volumes. Oui. Alors voyez-vous, il y a beaucoup de noms. Dans la mesure où ce qui nous intéresse, ce sont surtout les chrétiens dans la médecine arabe, je dirais. Je voudrais bien préciser là une chose très importante. Lorsque nous parlons de civilisation arabo-musulmane, il est important de savoir ce qu'on met derrière ces termes. Par arabe, nous n'entendons pas une ethnie, nous entendons une langue. Donc, on peut parler cette langue un peu partout sans pour autant être musulman. Et sans pour autant être de la péninsule arabique. Et d'autre part, lorsqu'on parle arabo-musulman de musulmane, on veut désigner un espace géographique qui était tombé sous la domination des musulmans, donc des successeurs du prophète. Eh bien, dans ce cadre-là, cette civilisation arabo-musulmane était aussi l'œuvre de non-musulmans. Et la preuve, c'est les chrétiens dont nous parlons. Et il est important, si vous voulez, de se rendre compte de cela, parce que j'ai bien dit que cette médecine, grâce aux chrétiens, avait été donc traduite du grec en syriaque et du syriaque ensuite en arabe. Mais elle a toujours été considérée par le fiqh musulman, par les ulama musulmans, comme étant une médecine étrangère, parce que l'islam a pour lui ce qu'il appelle la médecine du prophète, telle qu'il la retrouve à travers le hadith et toutes les paroles rapportées du prophète. Et là, vraiment, on est très loin de cette mentalité, de cet esprit scientifique d'observation. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, donc, chrétiens, médecins arabes, arabisants, disons, qui ont traduit, vous le disiez vous-même, qui ont traduit les auteurs grecs. Dans son livre, Le Cause cite notamment Yohanna ibn Massawa, qui traduit les aphorismes d'Hippocrate. Et il en donne de larges extraits dans l'anthologie qui termine son livre. Et j'aimerais vous en lire quelques-uns. Le premier, par exemple, « La vérité en médecine, c'est une fin qui ne peut être atteinte. Et le traitement par ce que prescrivent les livres, sans qu'un médecin habile n'émette son avis, est dangereux. » Voyez-vous, c'est une problématique actuelle, vous savez. Beaucoup de gens pensent qu'en ayant une encyclopédie médicale chez eux, ils peuvent se passer du médecin. C'est comme dire que je peux me passer de l'école parce que j'ai un livre de lecture chez moi à la maison. Donc, c'est très important de dire que les livres ne nous donnent que des cas généraux, que nous ne donnent qu'un profil moyen du malade et du traitement qu'on peut lui donner. Mais l'application qui doit être faite, là je parle, excusez-moi, en médecin, mais l'application qui doit être faite à chaque malade particulier, avec ses problèmes particuliers, avec la configuration particulière qui est celle de sa maladie, parce que c'est lui, eh bien, il n'y a que l'art médical, l'artisan, le médecin, qui puisse faire cette jonction entre l'encyclopédie et l'application réelle des choses. Alors, autre aphorisme, la vie est trop courte pour que l'on connaisse l'action de toutes les plantes de la terre. Fais donc usage des plus connues sur lesquelles on est d'accord. Laisse celles qui sont exceptionnelles et borne-toi à celles que tu as expérimentées. Alors, oui, là, ce qui est très important et ce que j'ai dit un peu par rapport à la médecine du prophète, c'est que l'expérimentation qui est reprise aux Grecs est très importante dans cette médecine qui a été pratiquée par les chrétiens dans le monde arabo-musulman. Et ce qu'il essaye de dire ici, c'est que on peut toujours trouver de nouvelles plantes, de nouveaux remèdes, etc. Mais il faut aller, comme je l'ai dit, primum non nocere, ne pas faire d'abord du mal. Donc, pour ne pas nuire, il vaut mieux passer par ce qui a déjà fait ses preuves et qui a montré, à travers une utilisation de plusieurs années, qu'il n'est pas nocif. Maintenant, lorsque on se trouve devant des formes plus difficiles de la maladie, eh bien, on a le droit, toujours dans l'intérêt du malade, peut-être d'expérimenter sur lui quelque chose qui est moins bien connu, mais comme ce serait une dernière cartouche pour pouvoir le tirer d'affaire, tout en le prévenant que nous faisons de notre mieux. Alors, un dernier aphorisme, simplement comme exemple. Il importe que nous excusions les erreurs des éminents savants dans les choses importantes dont ils se sont chargés, surtout Galien, et que nous ayons bonne opinion d'eux, jusqu'à ce qu'il s'agisse de la science de la médecine. Alors, il faut que nous ayons mauvaise opinion d'eux et que nous suspections ceux dont la preuve n'atteste pas l'exactitude, car ce par quoi nous traitons est une substance subtile. Voyez-vous, ce qu'il essaye de dire, c'est que la médecine, en tant qu'une science humaine, qui garde son aspect d'art dans son application, réclame toujours l'expérimentation et l'observation. Et que il se peut que quelque chose n'ait pas été relevé par des prédécesseurs et qui puisse advenir pour un médecin récent et qui puisse le décrire et qu'il devienne par la suite comme une nouvelle maladie inconnue jusque-là ou un nouveau traitement inconnu jusque-là. Donc la médecine, contrairement aux autres, si vous voulez, aux autres sciences, dans l'intérêt des malades, dans l'intérêt des hommes, dans l'intérêt de la santé, doit rester ouverte aux innovations, mais soumise toujours à l'observation et à l'expérimentation. Le droit qui régissait l'Église nestorienne à cette époque autorisait le clergé à pratiquer la médecine et la chirurgie. Donc tous ces médecins nestoriens étaient des prêtres. Alors ceci n'est pas propre, si vous voulez, aux nestoriens. Il n'est même pas propre aux églises chrétiennes. Parce que si nous regardons un peu l'Évangile, lorsque Jésus guérissait un lépreux, qu'est-ce qu'il lui disait ? Va te faire examiner par un prêtre. Et offre une offrande pour ta guérison. Parce que c'était le prêtre qui devait savoir reconnaître les signes de la maladie, et surtout des maladies qui rendent impures, telles que la lèpre, les écoulements sanguins, les écoulements d'humeur du corps. Eh bien, c'était le prêtre qui devait le faire pour désigner qui est-ce qui était impur et qui ne pouvait plus participer à la communauté de la prière, parce que sa présence rendait la prière impure et donc non exaucée. Donc c'est normal que ce soit les prêtres qui avaient aussi cette compétence de reconnaître les maladies et de chercher à les traiter. Ah. Et donc, cette tradition vétérotestamentaire s'est retrouvée avec Jésus, avec les apôtres, qui allaient guérisser un peu les malades sur mission reçue de Jésus, et qui a continué ensuite. Lorsque nous regardons, par exemple, de grands noms de la médecine, tels que Mendel pour la génétique, ou bien d'autres noms, on y retrouve surtout des moines qui avaient conservé dans leur monastère tous les secrets de cette médecine et qui avaient essayé de les développer par la suite. Donc cette conjonction des deux était prescrite déjà, je dirais prévue, dans la tradition biblique. Et puis Jésus-Christ lui-même, dans la tradition syriaque, porte le nom du osio chariro, le médecin véritable, c'est-à-dire celui qui vraiment guérit, parce que c'était toujours cette vision holistique de l'homme. Il ne guérit pas seulement un œil ou un foie ou bien une oreille, il guérit l'homme tout entier. Et donc, on disait de lui le véritable médecin, oui. Corps et âme. Alors, pour nous en tenir quand même à l'Église nestorienne, quelques-uns de ces médecins prêtres avaient guéri des rois, des princes, le roi Khosroès. C'était les médecins des califes, hein? Avant l'islam. Oui, oui. Avant l'islam. Nous en sommes encore d'accord. À la période pré-islamique. Et malheureusement, ces rois, ces princes imposaient ces médecins prêtres comme patriarches. Et cela a beaucoup nui à l'Église nestorienne. Voyez-vous, pour l'Église nestorienne, il y a eu rapidement des problèmes dans l'élection, si vous voulez, un peu des patriarches, parce que c'était pas une élection qui était faite par les seuls évêques, mais qui était faite par le mêlech, le roi. Donc, il imposait, comme ça arrivait également pour l'église de Constantinople, où c'était souvent l'empereur qui imposait le patriarche, qui était parfois l'un des membres de sa famille. Donc, ce problème-là, si vous voulez, existait dans la mesure où l'élection des évêques et des patriarches n'était pas un domaine réservé aux ecclésiastiques, comme il en est en gros dans l'Église catholique depuis le XIe siècle, parce qu'auparavant c'était pareil, mais les notables de la communauté prenaient part à cette désignation, et donc ceux qui étaient le plus en vue, ceux qui étaient les plus proches des gouvernants, c'était d'abord les médecins. Oui. Alors, arrivons à l'islam, Mahomet meurt en 632, et 10 ans plus tard, la Syrie, une grande partie de la Perse, l'Égypte sont devenues terre d'islam. Alors, dans un premier temps, les musulmans peu formés à l'administration ont la sagesse de laisser en place les institutions existantes. Et, d'ailleurs, les musulmans sont très minoritaires, l'immense partie de la population étant chrétienne ou en perse zoroastrienne. Voyez-vous, comme vous le dites si bien, au début de leur conquête, les musulmans avaient cette sagesse de ne pas déporter les populations comme le faisaient autrefois les Grecs ou parfois même les Perses. L'essentiel c'était d'assurer la mainmise. Et ensuite, par l'observation et par la fréquentation, de pouvoir retirer de cette nouvelle culture tout ce qu'il y avait de meilleur pour l'assimiler et l'incorporer à la civilisation musulmane. Donc, c'était cela qu'ils faisaient. Et ça a été pour eux très fructueux, dans la mesure où, grâce à ces chrétiens, dans ces populations conquises, ils ont pu se laisser ouvrir tout le trésor de la science grecque et de la civilisation grecque, parce que les musulmans ne connaissaient pas le grec. Non, les arabes ne le connaissaient pas. Non seulement ils ne connaissaient pas, mais l'arabe considère le musulman, disons, considère l'arabe comme une langue divine. Exact. Donc supérieure à toutes les autres. Mais oui, il fallait pas apprendre le reste. Voilà, c'était des bagatelles pour le reste. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Donc les chrétiens là-dedans ont joué un rôle éminent et irremplaçable. Sinon, tous ces trésors grecs seraient restés fermés à la civilisation musulmane et malheureusement à tout l'Occident du Moyen-Âge, qui, à travers ces traductions et ces traducteurs chrétiens, a pu se voir s'ouvrir à lui tout cet apport de l'Antiquité grecque. Et comme vous aviez commencé à le dire tout à l'heure, les califes de Damas, comme ceux de Bagdad, confient leur santé aux médecins chrétiens. Exactement. Et ceux-ci sont appelés petit à petit à tenir une place très importante dans la société arabo-musulmane. Oui, mais comme toujours, vous savez, il suffisait parfois d'une erreur ou bien d'intrigue bien menée auprès du calife pour que un médecin chrétien qui se retrouvait riche et à l'apogée de sa gloire se retrouvait ensuite privé de tous ses biens et jeté en prison. Alors, durant 5 siècles, ça n'a pas duré 10 ans ou 20 ans, ou même durant 5 siècles, ces médecins chrétiens vont s'illustrer au service des califes, des vizirs, d'autres princes ou personnages importants musulmans, jusqu'à la prise de Bagdad en 1258 par les Mongols. Tout à fait. Alors, voyez-vous, c'est sous les Abbassides, d'une façon plus spéciale, qu'on voit l'efflorescence de cette fécondation réciproque des civilisations à la fois grecques, chrétiennes et arabes. Donc, de nos jours, excusez-moi de faire ce saut, on parle de plus en plus de guerre des civilisations, de choc des civilisations. Eh bien, cette culture du temps des Abbassides montre que c'est pas la guerre qu'il faut accepter ou instaurer, c'est beaucoup plus cet échange fécond des civilisations qui a donné toute cette civilisation musulmane du temps des Abbassides et qui était l'apogée de la civilisation arabo-musulmane. Alors, impossible évidemment de citer les noms de tous ces médecins. Vous pouvez essayer, mais ils sont très nombreux. Raymond Lecaux s'y emploie dans une série de chapitres consacrés aux Nestoriens, aux Jacobites, aux Coptes, aux Grecs Melkites et jusqu'aux Mozarabes en Espagne. Même il parle des Arméniens et des Maronites. Oui, mais malheureusement pour dire que les Maronites n'ont rien laissé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La médecine. Oh, je pense que ils ont dû avoir leurs médecins, mais c'était des médecins de renommée simplement locale, puisqu'ils étaient réfugiés dans les montagnes et ils n'avaient pas de rayonnement très important autour d'eux. Par contre, ce qui est plus étonnant, ce sont les Arméniens qui ont eu sûrement de grands médecins et ont eu une civilisation brillante puisque c'est le premier royaume chrétien de l'histoire pratiquement de l'Église et qui n'aurait pas laissé dans le domaine de la médecine pas de traces. C'est possible. Il faut demander à des Arméniens de répondre à cette question. Alors, on peut quand même citer un exemple. Nous avons cité son nom tout à l'heure, Unayn ibn Ishaq. Unayn ibn Ishaq. Qu'on appelait le prince des traducteurs. Tout à fait. Et il avait une méthode de travail très rigoureuse. Ah oui. Et en plus de ses traductions, il a écrit lui-même 25 livres de médecine. Tout à fait. On lui attribue une centaine de livres en tout. Voilà. Oui, oui. Et son introduction à la médecine se présente sous forme de questions et de réponses, comme cela se faisait à cette époque. Tout à et, fait. Si vous voulez, on peut en lire une page. Mais on ne va pas y comprendre grand-chose, mais vous pouvez quand même. Alors, voyons. Combien y a-t-il de choses naturelles? 7. Qui sont les éléments, les tempéraments, les humeurs, les organes, les forces, les actions et les esprits? Combien y a-t-il d'éléments? 4. Quels sont-ils? Le feu, l'air, l'eau et la terre. Quelle est la force du feu? Chaude et sèche. Celle de l'air, chaude et humide. Celle de l'eau, froide et humide. Celle de la terre, froide et sèche, etc. Oui, voyez-vous, comme vous le remarquez, il s'agit quand même encore d'une médecine statique descriptive qui essaye un peu encore de classer ce qu'elle observe et surtout de chercher des noms à son expérience plutôt que vraiment expérimenter dans le vrai sens du terme un peu l'effet des médicaments ou bien les effets de certaines maladies. Voyez-vous, moi je suis respectueux de cette façon de faire parce que lorsqu'on regarde le malade imaginaire de Molière, nous sommes au XVIIe siècle, eh bien monsieur le docteur Diafoirus n'est pas plus savant que cela et il donne peut-être des noms à ce qu'il imagine être la maladie de son client, mais il n'y a pas de traitement qui puisse donner des résultats efficaces. Et donc c'est pour dire que cette façon de faire et de voir, qui a été reprise ensuite par le philosophe Foucault dans son livre sur la clinique, comment il montrait que, si vous voulez, avec cette façon un peu de classifier les choses, on avait une certaine vision du corps humain des maladies qui ne cadrait pas du tout avec ce que Claude Bernard apportera par la suite, en changeant d'abord cette méthode de classifier et d'observer et d'expérimenter. Donc, ceci a survécu tout au long du Moyen-Âge, pratiquement jusqu'au XIXe siècle. C'est énorme, quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'avait pas. Il faut attendre qu'il y ait un microscope déjà pour voir les agents des maladies infectieuses. Il fallait que qu'on puisse avoir au XXe siècle et pratiquement à la fin de la première moitié quelques antibiotiques pour pouvoir faire de la chirurgie qui n'amène pas la mort du malade, qui puisse quand même lui faire une petite anesthésie pour qu'il ne meure pas de douleur. Il faut des ingrédients qu'on n'avait pas. Et donc, on faisait de son mieux. Mais tout le Moyen-Âge, toute la Renaissance, tout le siècle des Lumières, on était pratiquement encore à cette médecine. Parce qu'ils n'avaient pas les instruments nécessaires. Le microscope élargit d'une façon énorme le champ visuel de l'œil. Mais rester à l'œil nu, ben vous ne pouvez pas voir tout ce qui se cache derrière une maladie. Donc, c'est important. Donc, en conclusion, on peut dire que sans l'apport de ces médecins chrétiens, la médecine arabe n'aurait pas atteint l'éclat qu'elle a revêtu durant le Moyen-Âge et que nous n'en serions peut-être pas aujourd'hui à la parler médecine. Des occidentaux, sûrement, voilà. Sûrement, ça je suis tout à fait d'accord. À la médecine d'aujourd'hui. Oui, je pense qu'en cela, nous devons reconnaître cette dette vis-à-vis déjà de la civilisation arabo-musulmane et à l'intérieur de cette civilisation d'abord de ces médecins chrétiens, de ces églises minoritaires qu'on appelle les églises nestoriennes, jacobites, coptes, syriaques et melkites, et qui sont encore parmi nous et qui sont actuellement dans de grands périls à cause de ce qui se passe au Proche-Orient. Eh bien, je rappelle le titre du livre de Raymond Lecauze, paru aux éditions L'Harmattan, « Les chrétiens dans la médecine arabe ». Monseigneur Chaïd, je vous remercie, comme je remercie Georges Sautire et Brigitte Mazire, qui ont réalisé cette émission de foi et tradition des chrétiens orientaux.